بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام موصولا حول الحديث العاشر من عمدة الأحكام. Nous continuons à aborder aujourd'hui le hadith 10 dans عمدة الأحكام dans la description des ablutions du prophète صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الإنسان يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة لأنه قال ثم مضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات. Il y a dans le hadith le fait que la personne, lorsqu'elle fait ses ablutions, elle rassemble entre la madmada, le fait de mettre l'eau dans la bouche, et l'istinshaq dans une seule poignée d'eau. Pourquoi ? Parce que dans le hadith, ça a été cité. Puis, il a fait la madmada, et l'istinshaq, et l'istinthar, le fait de retirer l'eau du nez, avec trois poignées d'eau. Donc avec une, il rassemble les deux. Al-madmada ou al-istinshaq. J'ai demandé à deux de nos frères ici. On ne peut faire que comme ça, ou il y a une autre façon de faire. Les deux m'ont dit, Allahu alayhi, moi je sais que je fais l'autre façon. C'est-à-dire que je prends trois poignées d'eau pour la madmada et trois poignées d'eau pour al-istinshaq. Et donc on va voir par rapport à ce sujet, donc, quels sont les avis des savants. وهذا القول هو قول الشافعي ورواية عن الإمام مالك وكذلك رواية عن الإمام أحمد. Et donc cet avis que je viens de citer, c'est-à-dire le fait de rassembler la madmada et l'istinshaq dans une seule poignée d'eau, c'est l'avis de Al-Shafi'i. Et c'est aussi une narration, donc un des avis de l'imam Malik et un des avis de l'imam Ahmed. وهناك قول آخر في المسألة وهو أن المضمضة تكون في ثلاث غرفات ثم الاستنشاق في ثلاث غرفات. Et donc il y a un autre avis qui est que d'abord donc la madmada en trois poignées d'eau et l'istinshaq après cela en trois poignées. وقد جاء عن عثمان في سنن أبي داود أنه توضأ فأدخل يده في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا ويفهم من ذلك أنه أفرد المضمضة من الاستنشاق. Et certes, il a été rapporté dans Sunan Abi Daoud que Othman, il a fait ses ablutions et qu'il a rentré sa main dans l'eau, puis qu'il a fait la madmada trois fois. Et qu'ensuite, il a fait l'istinthar trois fois. Les savants, ils ont dit, on comprend de cela que Othman, il a fait la distinction entre la madmada et l'istinshaq. Il n'a pas fait les deux en même temps. On comprend de ce hadith que Othman, il a séparé Al-Madmada et Al-Istinshaq. Wa ja'a an Shaqiq ibn Salama. Donc ce hadith, le premier hadith que je vous ai cité, il est dans Sunan Abi Daoud. Wa ja'a an Shaqiq ibn Salama. Annahu qala shahidtu Ali ibn Abi Talib wa Uthman ibn Affan tawadda'a thalathan thalathan. Et donc il a été cité donc selon Shaqiq ibn Salama qui dit j'ai vu Ali ibn Abi Talib et Othman ibn Affan, les deux faire leurs ablutions, trois par trois. Wa afrad al-madmada min al-istinshaq, thumma qala hakadha ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu. Et que les deux, donc Shaqiq il nous dit, j'ai vu donc les deux faire leurs ablutions, et les deux, ils ont séparé la madmada de l'istinshaq, puis ils ont dit, c'est comme cela que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. Walakin fi thubuti al-madmada wal istinshaq fi hadha al-hadith kalam hawla al-isnad. Cependant, il y a donc dans ce hadith un problème concernant la citation de al-madmada et al-istinshaq. La majorité des narrateurs, des rapporteurs qui ont cité ce hadith, ils ont juste cité le fait que Shaqiq ibn Salama il a vu Ali et Othman faire leurs ablutions trois par trois. sans citer le fait qu'il les a vus, donc distinguer et séparer la mandat et l'istinchak. Et donc c'est là qu'il y a un problème où, comme je vous ai déjà cité plusieurs fois, les savants du hadith vont dire comment se fait-il que eux tous là, ils nous citent une partie du hadith et qu'il y en a un autre qui vient avec une autre partie. Où est-ce qu'il l'a prise? Pourquoi est-ce que tous les autres ne l'ont pas, cette partie de ce hadith? Et parfois, je donne des exemples aux frères. Par exemple, on a un secours, et je vous dis dans ce cours, ah, aujourd'hui, j'ai enregistré le cours avec cet appareil Sony. Vous allez tous partir, chacun rapporte. Abdelkarim, il a dit aujourd'hui, il a enregistré le cours avec son appareil Sony. Et il y en a un autre qui va dire, Abdelkarim, il a enregistré le cours aujourd'hui avec son appareil Sony, mais aussi avec son téléphone. Et donc là, on va se poser la question, comment se fait-il que tous les autres là, ils n'ont pas entendu ça? Et donc c'est là qu'on va voir ce problème, et les savants du hadith vont étudier ce sujet. وَلَعَلَّ الْأَقْوَى الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَى وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَضْمَضَى وَالْإِسْتِنْشَاقِ فِي غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ لِكَوْنِهَا وَرَدَتْ فِي الصَّحِيحَيْنِ. Et il se peut que la vie le plus, on va dire, le plus prépondérant, soit le fait de rassembler Al-Madmada et Al-Istinshak dans une poignée de main. Pourquoi? Parce que cette description, elle a été citée dans Sahihain. Le hadith qu'on a vu aujourd'hui. Le hadith numéro 10. Cette description, elle a été citée dans Sahihain. Et c'est le plus haut degré d'authenticité des hadiths. Vous pouvez voir le hadith de Shaqiq, on a une divergence. Le hadith qu'on avait cité avant, c'est pas clair. Mais on comprend que, effectivement, on peut comprendre que ici, donc ce compagnon, il avait séparé Al-Madmada et Al-Istinshak. Et donc la vie le plus prépondérant, Inch'Allah, c'est de rassembler les deux. Khassatan wa qala al-Nawawi rahimahullah lam yathbut fil fasli shay. Al-Nawawi, il a dit, il n'y a aucun hadith authentique montrant donc le fait de séparer Al-Madmada et Al-Istinshak. Il n'y a aucun hadith authentique. Ça, c'est la parole de Al-Hafid al-Nawawi, rahimahullah. Lakin, yanbari an yu'alam, anna akhtilaf al-ulama fil fasli wal-jam' bayna al-madmada wal-istinshak ikhtilafun fil afdaliya la fil jawaz. Cependant, il est important de comprendre et de savoir que la divergence qu'il y a entre les savants dans ce sujet, dans le fait de séparer entre le madmada et l'istinshak, ou de les rassembler, cette divergence est liée à ce qui est mieux. Les savants, ils ont divergé concernant ce qui est mieux de faire. Ils n'ont pas divergé concernant est-ce que c'est permis ou pas. Al-Nawawi nous cite qu'il voit tout ce que c'est permis, de faire comme ça ou comme ça. Mais qu'est-ce qui est mieux de faire? La divergence, elle est sur ce sujet. Et donc, comme je vous ai dit, l'avis le plus prépondérant, Wallahu A'lam, est donc de le faire comme ça a été cité dans les deux recueils, As-Sahih, Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, Nantaqil ila al-Hadith al-Hadi Ashar. On va donc passer au hadith numéro 11. Et il y a là un point que j'aimerais citer. C'est que nos frères qui font le hifz, alladhina sajjalu asma'ahum fil hifz, ta'akharu kulluhum bil ijma'. Tous nos frères qui se sont enregistrés dans le hifz pour mémoriser le metn, ils sont tous en retard. Et donc, je vous dis les frères, alaykum bil ijtihad. Soyez motivés. Faites preuve de motivation. Wala tudayyi'u al-awqat. Ne perdez pas le temps. Ne perdez pas votre temps. Fa innakum satarawna thamara. Vous allez voir les profits par la suite. Le fait de faire des efforts, de passer son temps, anta tat'ab tahfaz wa turaji'. En même temps, tu as des cours d'arabe, tu ta'allamu al-lugha. Ou le Coran. Inch'Allah, c'est à la thamarat. Ba'dahin. Tu verras donc les fruits de cela par la suite ne baisse pas, ne baisse pas les bras. Continue à faire des efforts. Certains, malheureusement, j'ai vu, on est arrivé au hadith de Uthman, la description des ablutions, deux hadiths un peu longs qui se sont enchaînés les deux, l'un après l'autre, comme si ça a mis un coup à nos frères. Et donc, je vous rappelle, non, idhnillah, les frères, continuez. Il faut donc continuer à apprendre petit à petit, un peu tous les jours, inshallah ta'ala, jusqu'à ce qu'on arrive, bi'idhnillah, à les maîtriser correctement. Wafakallahu al-jami'a. Et donc, le 11e hadith, an Aisha radiallahu anha, qalat, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تعجله في excusez-moi في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عائشة رضي الله عنها qui nous dit le prophète صلى الله عليه وسلم il aimait التيمن, le fait de commencer par le côté gauche ou devrait, excusez-moi, le fait de commencer par le côté droit ou devrait avec le côté droit, et cela في تنعله, lorsqu'il se chaussait. وكذلك aussi في ترجله, lorsqu'il se coiffait. Et aussi في طهوره, lorsqu'il se purifiait. Mais encore في شأنه كله, dans tout ce qu'il faisait. فاستدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية البداءة باليمين في الوضوء. Les savants se sont appuyés sur ce hadith pour montrer l'aspect légiféré, la licéité, de commencer par le côté droit durant les ablutions. Et c'est pour ça que ce hadith a été cité juste ici. Après la description des ablutions, on voit tout de suite ce hadith pour montrer qu'il est légiféré de, et qu'il est recommandé de commencer par le côté droit avant le côté gauche. Al-Hafiz al-Nawawi, il dit « Ajma' al-Ulama » على أن تقديم اليمين على اليسار من الدين عفوا من اليدين والرجلين في الوضوء سنة ولو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه انتهى. Et donc Al-Nawawi, il dit, ils sont unanimes sur le fait de commencer par le côté droit avant le côté gauche avec les deux mains et les deux pieds, durant les ablutions, cela est une sunna. Les savants sont unanimes sur le fait que ceci est une sunna. Et que la personne, si elle contredit cela, donc si elle commence par le côté gauche, alors elle aura manqué ce qui est meilleur, elle fadl. Cependant, ces ablutions sont valables. La personne commence avec le côté gauche, on l'avait déjà cité dans un cours, ces ablutions restent valables. Fin de citation. لكن هناك بعض الأعضاء تغسل معا دون تقديم أحد على الآخر. Cependant, il y a certains membres qui sont lavés en même temps, sans faire passer l'un avant l'autre. Comme c'est un seul membre. Ou alors certains ont dit les deux joues. Certains savants avaient cité, Al-Nawawi avait cité les deux joues. Mais on a les oreilles. Les oreilles, elles sont lavées en même temps. Tu ne vas pas faire passer la droite avant la gauche en appliquant ce hadith. Non, dans la sunna, tu fais les oreilles en même temps. وهذا الحديث دليل على استحباب البداء باليمين في كل شيء. Et ce hadith est aussi une preuve qui montre qu'il est recommandé de commencer par la droite dans toute chose. في العطاء والأخذ, quand tu prends ou quand tu donnes, tout ce que tu fais, il est recommandé de commencer par la droite. Illa anna al-ulama istathna'u min dhalika ma lam yakun min bab at-takrim ka dukhul al-khala' wa ma ila dhalik. Sauf que les savants, ils ont cité des exceptions et ont cité que tout ce qui n'a pas un caractère noble. Donc ne rentre pas dans cela, comme le fait d'aller aux toilettes. Cela donc, cet acte que tu vas accomplir n'a pas un caractère noble. Et donc, par cela, tu vas commencer du côté gauche. واستدلوا بحديث سلمان الذي رأيناه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين. Ils se sont appuyés sur cela par le hadith de Salman, qu'on a déjà vu précédemment. Salman qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de se purifier les parties après avoir accompli ses besoins avec la main droite. Et donc ils utilisent ce hadith pour montrer que à ce moment-là, vu que cet acte n'est pas noble, on le fait avec la main gauche. Et donc tout ce qui n'est pas noble, etc., on le fait avec le côté gauche. واستدلوا ايضا بحديث في سنن ابي داود عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. Ils se sont aussi appuyés sur un hadith qui est dans le recueil de Abi Daoud dans son Sunan, selon Hafsa, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait sa main droite pour son repas, sa boisson et ses vêtements, et sa main gauche pour ce qui est en dessous de cela. Wa hadha al-hadith ikhtalafa fihi wa ikhtalafa fihi ahlu al-ilm. Et ce hadith, les savants ont divergé concernant son authenticité. Fa sahahahu Ibn Hibban wal Albani. Ibn Hibban ainsi que l'imam al-Albani, ils l'ont authentifié. Wa da'afahu al-imam al-Dhahabi wa Ibn Hajar li wujud Abi Ayyub al-Ifriqi fi al-isnad. Wa qad dhakara Abu Zur'a anna fi hadithihi linan. Cependant, il y a l'imam al-Dhahabi. Donc on a cité que l'Albani et Ibn Hibban, ils l'ont authentifié. Cependant, il y a l'imam al-Dhahabi ainsi que Ibn Hajar qui ont cité que le hadith est faible à cause du fait que dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui est appelé Abu Ayyub al-Ifriqi, et lui, Abu Zur'a, l'imam Abu Zur'a a dit de lui qu'il y a une faiblesse dans ses narrations. Il y a une faiblesse dans ses narrations. Et donc, à cause de cela, on va dire que ce hadith, les savants ont divergé concernant ce hadith, mais il y a le hadith de Salman, qu'on a déjà cité précédemment, qui suffit comme preuve pour cela, Incha'Allahu Ta'ala. Il y a, concernant ce hadith, d'autres points à voir, qu'on n'a pas vu, j'avais déjà parlé de ça après le Maghreb, ou du moins, pendant le cours qui est après le Maghreb. Et Wallahu A'lam, je pense qu'on va retarder ça à demain. Demain, on va finir l'explication de ce hadith par rapport à plusieurs sujets liés au fait de commencer par la droite avant la gauche. Dans certains cas où ça peut être l'inverse, que les savants ont expliqué. Cheikh Ibn Uthaymeen aussi a parlé de ce sujet lorsqu'il a expliqué donc ce hadith dans Bulugh al-Maram. On verra tout ça demain, inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين